tankou se nan menm pou taye. Mwen ta karese ou tankou de ti bebe ki nan menm bèsyo. Malgré mizè ou pase, malgré mepri mwen trouve, mwen toujou avèk ou. Parce que m'konnen si m'perdi ou pa konn sa pou al trouve, c'est ça qui fait la peine. Chaque fois m'gade ou chéri, tout comme moi frissonné. Moi senti m'ta serré jusqu'à ce que on craque. Moi remè ou en pile chéri, et m'konnen remè m'tout. Mais joujou vin sauvé. habillons Mouen ta dolote yo Chéri jusqu'à ce que nous fond Belle toujours Ça t'a fait mobile la peine Les amis, si au jour t'as pas perdu Mouen pas qu'on est sans quoi trouver Dans la vie c'est bon toujours là Ça t'a fait mobile la peine Les amis, si au jour t'as pas perdu Mouen pas qu'on est sans quoi trouver Dans la vie c'est bon toujours là Mouen mouen t'aime pas ouais oh Mwen sentim pa viv Nan pla priye fò Yon joun nan gen liberté nou Si chiri Sa ta fè mwen pil apel Mes ami, si yon joun ta pa bedil Mwen pa konè sa mwen trouve Nan la vi se bon toujou la Sa ta fè mwen pil apel Mes ami, si yon joun ta pa bedil Mwen pa konè sa mwen trouve